de ça, que de flics, et c'est super. Oui, ils sont toujours là, avec leur tête de bien. Allez-vous faire enculer, allez-vous faire enculer, allez-vous faire enculer. Si vous savez ce que je m'en fous, dans ma paire, casser la tête. Mais bientôt ce sera votre tour. Oui, ce jour-là, je rigolerai. Allez-vous faire enculer, allez-vous faire enculer, allez-vous faire enculer, allez-vous faire enculer. Certains gens, Macron, ils ne cherchent pas à comprendre. C'est pas un génie pourri qui va changer toute ta vie. Allez-vous faire enculer, allez-vous faire enculer, allez-vous faire enculer, allez-vous faire enculer. Maintenant,